silencieuse, craignant d'égarer mes pensées. Chaque lettre, chaque examen fut une offrande ou déclaration d'amour à des oreilles mortes. Mes amants n'entendirent jamais les consolations que je tissais de mes mains. Subsistance d'un point fragile, aussi fragile que le temps, ces étés. Dialogue à l'ombre d'autres dialogues, le bourdonnement de banales convulsions sur des excès, des réussites pérennes entre Troyens et leurs bourreaux, de chars qui simulèrent le crépuscule, de pupilles qui n'expiraient pas à Oli, de lances brisées sur la peau du héros et le hurlement des corbeaux dans les tours. Dans les ruines de Mycène, nous vivons d'espoir qui sont tyrannie. À Thèbes, centre d'un autre corps exsangue, où les murs gardent sa lamentation, celle d'Œdipe avant de reconnaître son crime. Suspendu dans ma prison, je tisse les fils de ceux qui ne reviendront jamais. Dolly à Ithaque, le fil est une seule douleur, celle du vainqueur et du vaincu, Ulysse et Cube.